Au sport. Dans la Ligue de soccer juvénile masculine Division 2, Louis Saint-Laurent est à la maison pour deux matchs le 23 avril. Les adversaires, le Mont-Saint-Anne à 17h30 et la Montée-Lobert à 18h45. Le 25 avril, l'équipe est au séminaire de Sherbrooke aussi pour deux matchs. Les adversaires, le séminaire de Sherbrooke à 10h et l'école Jean Rimbaud à 16h15.